larme houleuse, les sentiments, les temps et son vague, tout simplement. Je t'attends sur le banc des villes, à la sève des arbres, je pourrais faire sans toi, mais peut-être ce serait mieux si tu aimes me lire plutôt que de me regarder dans mes yeux. Je t'attends sans t'attendre, je poursuis les étés, les printemps. Dans le sillon de l'hiver, je me repose des moments qui ne sont plus à vivre. Je me repose des moments qui ne sont plus à vivre. Je t'attends sur les murs des prisons, dans le cœur des champs de blé. Je pourrais faire sans toi, mais peut-être ce serait mieux si on se rencontrait. Je t'attends sur le banc des villes, à la sève des arbres. Je t'attends sans t'attendre, je poursuis les étés et les printemps. Dans le sillon des hivers, je me repose des moments qui ne sont plus à vivre. La mer houleuse, les sentiments, les temps et son vague, tout simplement. La mer houleuse, les sentiments, les temps et son vague, tout simplement. Je t'attends sur le mur des prisons, dans le cœur des champs de blé. Je pourrais faire sans toi, mais peut-être ce serait mieux si on se rencontrait. Je t'attends sur les bancs des villes, à la serre des arbres. Je pourrais faire sans toi, mais peut-être ce serait mieux si aime me lire plutôt que de regarder dans mes yeux. Je t'attends sans t'attendre, je poursuis les étés et les printemps. Je t'attends sans t'attendre, je poursuis les étés et les printemps. Dans le sillon des hivers, je me repose des moments qui ne sont plus à vivre. À la mer houleuse, les sentiments, les temps et son vague, tout simplement.